الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication de l'épître de l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala intitulé Al-Azbab wal-A'mal allati yudha'afu biha al-thawab, les causes et les actions par lesquelles augmentent les rétributions. Nous avons vu hier que la récompense de toute œuvre pieuse, toute œuvre qui est sincère pour Allah et conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors celle-ci, sa récompense est forcément décuplée, c'est-à-dire qu'elle est au minimum multipliée par 10. Et nous avons vu que dans certains cas, la récompense peut même être multipliée jusqu'à 700 fois ou plus encore. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné les causes principales de cette augmentation supplémentaire. Et nous avons vu que ces causes sont liées soit à l'auteur de l'action, soit à l'action elle-même, soit au moment où l'action est accomplie, soit au lieu où elle est accomplie, soit aux effets de cette action. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné ses causes principales de manière générale, il a commencé à mentionner ses causes de façon plus détaillée. Et il a dit, rahimahullah, parmi les causes d'augmentation, il y a le fait que le serviteur concrétise dans son œuvre la sincérité pour celui qui est adoré, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, et le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux choses que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnées ici sont les deux conditions de l'acceptation des œuvres. Aucune œuvre ne peut être acceptée de toi si tu ne remplis pas ces deux conditions dans celle-ci. La sincérité pour Allah, subhanahu wa ta'ala, que ton œuvre ne soit vouée qu'à ton Seigneur, et la conformité à ce qu'a légiféré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ton œuvre soit accomplie d'une manière légiférer. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, la religion repose essentiellement sur deux fondements. Que nous n'adorons rien en dehors d'Allah et que nous ne l'adorions que parce qu'il a légiféré et non par les innovations. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des œuvres pieuses, des œuvres conformes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Que cette adoration soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh al-Islam poursuit en disant, ceci correspond à la concrétisation des deux attestations. L'attestation que, la ilaha illallah, il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, sauf Allah. Et l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah. La première attestation signifie que nous n'adorons rien en dehors de lui. Et la deuxième, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager qui a transmis de lui. Nous devons donc croire en ses informations et obéir à ses ordres. Fin de citation de la parole de Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. Et ce qui est visé par la mention de cette parole ici, c'est que l'on comprenne bien que ces deux conditions sont la base essentielle de notre religion, car elles représentent en réalité la concrétisation de ces deux attestations que tu prononces pour entrer en islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. C'est le premier pilier de ta religion, le premier pilier de l'islam. C'est donc la chose à laquelle tu dois donner le plus d'importance. Et c'est la chose au sujet de laquelle tu dois le plus interroger afin de pouvoir la concrétiser. Et ces deux conditions qui sont mentionnées ici, elles sont indispensables pour que toute œuvre, quelle qu'elle soit, soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et être au moins décuplée, c'est-à-dire que sa récompense soit au moins multiplié par 10. Et plus tu concrétiseras ces deux conditions, plus tu seras sincère, et plus tu te conformeras à ce qui est légiféré, plus la récompense de ton action augmentera. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, Cheikh Siadi, a dit ensuite, c'est-à-dire qu'il fait partie des causes d'augmentation de la récompense. Que l'action fasse partie des actes légiférés. Que le serviteur recherche à travers cette action l'agrément de son Seigneur et sa rétribution. Qu'il concrétise cette intention et en fasse sa seule motivation à agir. Et que ce soit la finalité de son action. Que son action émane de la foi en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Que ce qui le pousse à agir soit l'ordre du législateur et que ce qu'il recherche soit le visage d'Allah et son agrément. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous explique comment concrétiser ces deux conditions qui sont la sincérité et la conformité. Comment concrétiser ces deux conditions immenses afin de voir la récompense de nos actions augmenter. Il dit que l'action fasse partie des actes légiférés, c'est-à-dire qu'elle soit conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Que l'action ne fasse pas partie des actes innovés, car les innovations et les choses nouvelles en religion sont rejetées et ne sont pas acceptées. Donc la première chose, avant d'agir, est de savoir, est-ce que cet acte que je m'apprête à accomplir est un acte légiféré ou non? Et s'il est légiféré, il m'est permis de l'accomplir, il est légitime pour moi de l'accomplir. Et comment je dois l'accomplir? Sincèrement pour Allah. C'est pour cela qu'il dit ensuite que le serviteur recherche à travers cette action l'agrément de son Seigneur et sa rétribution. Qu'il soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il ne recherche à travers cette action que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense qu'il y a auprès de son Seigneur dans l'au-delà. C'est cela qui doit te motiver à agir. La première chose est que tu cherches à savoir qu'est-ce qui est légiféré et comment cela est légiféré. Puis une fois que tu agis sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas pour une autre intention, non pas par ostentation, par recherche des compliments ou des éloges des gens, mais seulement pour obtenir l'agrément de ton Seigneur et sa récompense dans l'au-delà. Ensuite, il dit, rahimahullah, qu'il concrétise cette intention et en fasse sa seule motivation à agir. Subhanallah. Ce qui pousse le serviteur à agir, celui qui est sincère, ce qui le pousse à prier, ce qui le pousse à donner l'aumône, ce qui le pousse à jeûner, ce qui le pousse à apprendre la science, à apprendre le Coran et ainsi de suite. Celui qui est sincère, ce qui le pousse à cela, c'est seulement la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la récompense qu'il y a auprès de lui. Donc lorsque tu t'apprêtes à agir, il convient que tu te poses cette question avant d'agir, afin de purifier ton intention. Qu'est-ce qui te motive à faire cette action? Qu'est-ce qui te motive à te lever pour prier? Est-ce que tu te lèves pour Allah subhanahu wa ta'ala ou par ostentation? Pour te faire voir des gens? Pour faire plaisir à tes parents? Ou pour que l'on dise de toi que tu es un bon musulman ou autre chose semblable? Qu'est-ce qui te motive à te rendre à la mosquée pour la prière en groupe? Est-ce que tu fais cela pour mettre en pratique la sunna, pour te soumettre aux ordres d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, pour obtenir le mérite de cette prière? Ou bien, est-ce que tu t'y rends pour que l'on te voie prier avec les gens, pour que l'on dise de toi que tu es un vertueux, ou alors pour rencontrer les gens, rencontrer des amis, pour profiter peut-être de la climatisation qu'il y a dans la mosquée ou autre chose semblable qui peuvent souiller l'intention de la personne? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive à assister à un cours et à l'apprentissage de la science? Qu'est-ce qui te motive à donner cette aumône, à participer financièrement à tel ou tel projet et ainsi de suite? Pose-toi cette question avant d'agir, lorsque tu t'apprêtes à agir et pendant que tu agis. Et si tu décèles, au fond de toi, une intention qui s'oppose au but recherché, si tu décèles cela au fond de ton cœur, alors purifie ton cœur de cette mauvaise intention. Et fais en sorte que ta seule motivation à agir soit la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela la perfection de la sincérité. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit ensuite, et que ce soit la finalité de son action. C'est-à-dire que l'objectif final que tu recherches n'est que d'obtenir l'agrément d'Allah. Du début à la fin de ton action, si tu es sincère, tu ne dois chercher à agir que de sorte à obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en veillant à te conformer pour cela à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ceci nous montre l'importance de veiller à la concrétisation de ces deux conditions avant d'agir. Au moment de l'action, et même jusqu'à terminer l'action, et mieux encore, après l'action. Tu dois veiller également à ne pas faire une chose qui pourrait s'opposer à la sincérité et te faire perdre la récompense de cette action. Ensuite, il dit, rahimahullah, que son action émane de la foi en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Que ce qui le pousse à agir soit l'ordre du législateur et que ce qu'il recherche soit le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. C'est-à-dire que le croyant, il agit en conséquence de sa foi en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette foi qui le pousse à accomplir la prière, qui le pousse à donner l'aumône et ainsi de suite. Contrairement à l'hypocrite qui, lui, a d'autres intentions et qui est poussé par de mauvais objectifs. Le croyant sincère, ses actes émanent de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est poussé à agir par l'ordre du législateur. C'est-à-dire que les actes qu'il accomplit, il ne les accomplit pas poussé par ses passions ou sa raison. Mais il n'accomplit ses actes que parce qu'ils sont légiférés. Que parce que ils font partie des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas ordonné ces actes, il ne les aurait pas accomplis. Et ça, c'est d'une grande importance à comprendre. Car beaucoup de gens, notamment lors des difficultés ou lors des troubles et des épreuves, ils vont être poussés par leurs émotions, poussés par leurs raisons, poussés par leurs sentiments, au point de faire des choses contraires à la législation, en pensant bien agir. Et le croyant ferme, le croyant véridique et sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant soucieux de bien agir, il n'est poussé à agir que par l'ordre du législateur. C'est-à-dire qu'il veille en toute situation, dans l'aisance comme dans la difficulté, à ne faire que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, comme cela est mentionné, dans plusieurs versets et hadiths. C'est-à-dire que ce qu'il vient de citer concernant l'obligation de concrétiser ces deux conditions, qui sont la sincérité et la conformité, pour que nos actions soient acceptées et leurs récompenses augmentées. Cela est démontré par de nombreux versets du Coran et de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons déjà vu de nombreux versets et hadiths en ce sens dans des cours précédents et notamment lors de la série de cours sur la sincérité et l'intention. Et on se contentera ici de ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné. Il a donc dit, comme la parole d'Allah, le Très-Haut, « Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin » Allah n'accepte que des pieux. Ceci est une partie du verset 27 de Surat Al-Ma'idah. Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, dit ensuite, c'est-à-dire ceux qui font preuve de piété à l'égard d'Allah dans leurs actions en concrétisant la sincérité et le suivi. En concrétisant la sincérité pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et le suivi, c'est-à-dire la conformité à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est de cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, accepte les œuvres. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc mentionné ce verset afin de nous démontrer que l'œuvre ne peut être acceptée qu'en remplissant ces deux conditions qui sont la sincérité et la conformité. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il n'accepte que des pieux, ceux qui font preuve de piété. Et qu'est-ce qui est visé par la piété? Le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit dans son tafsir, dans son exégèse du Coran, au tafsir de ce verset, la parole la plus juste concernant l'explication de ce verset, et que les pieux sont ceux qui font preuve de piété dans leurs actions, de sorte à ce que leurs actions soient sincères pour le visage d'Allah et qu'ils suivent en celle-ci la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation de la parole du Cheikh, rahimahullahu ta'ala. On comprend donc de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que des pieux. Et les pieux, ce sont ceux qui remplissent ces deux conditions dans leurs œuvres, qui agissent sincèrement pour Allah et qui se conforment à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit, rahimahullah, mentionnant un autre exemple, on retrouve aussi cela dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié la récompense découlant du jeûne de Ramadan à deux choses. Il a dit « avec foi et en espérant la récompense ». Cela signifie que pour obtenir la récompense mentionnée dans le hadith, qui est le pardon des péchés passés, il est nécessaire de jeûner premièrement avec foi, c'est-à-dire avec la conviction certaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne, et en ayant foi véridique en sa promesse, c'est-à-dire que ce jeûne émane donc de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de la foi en ce qu'il a légiféré. On jeûne, pourquoi? Car il a légiféré ce jeûne, il l'a prescrit. On se conforme donc à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Et ceci est la condition que l'on a mentionnée qui est la conformité à ce qui a légiféré. Et en espérant la récompense, c'est-à-dire que la motivation à jeûner soit la recherche de la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la personne ne jeûne pas par recherche de la notoriété ou des compliments des gens ou autres mauvaises intentions, mais elle jeûne seulement sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, recherchant son agrément et sa récompense. On retrouve donc dans ce hadith le sens de ce qui a été mentionné précédemment, c'est-à-dire que pour être accepté, les œuvres doivent être sincères pour Allah et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur, rahimahullahu ta'ala, s'est contenté ici de mentionner ce verset et ce hadith, puis il dit « et autres parmi les textes ». C'est-à-dire qu'il y a de nombreux textes du Qur'an et de la sunna qui démontrent ce que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a mentionné. Et nous n'allons pas les mentionner ici afin de pouvoir rester concis. Ensuite, le Shaykh, rahimahullahu ta'ala, nous a exposé une règle d'une grande importance, une règle que chacun d'entre nous doit retenir afin de pouvoir s'élever en degré et augmenter ses récompenses. Il a dit, rahimahullah, et les actions en faible quantité accompagnées de la sincérité complète prévalent sur les actions nombreuses dont l'auteur n'atteint pas ce rang en termes de force de la sincérité. Les actions en faible quantité, accompagnées de la sincérité complète, prévalent sur les actions nombreuses dont l'auteur n'atteint pas ce rang en termes de force de la sincérité. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, attire ici notre attention sur cette règle qui est d'une grande importance. Et cette règle confirme ce que l'on a mentionné hier, qui est que les serviteurs sincères, qui remplissent les deux conditions d'acceptation des œuvres, ne sont pas tous de même degré en termes de récompense. Les œuvres des uns et des autres peuvent être acceptées, mais leurs récompenses peuvent grandement différer en fonction de la différence de leur foi et de la différence de leur sincérité. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, dit ensuite « Et c'est pour cela que les actions apparentes diffèrent en termes de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de la différence de ce qui est établi dans les cœurs comme foi et comme sincérité. » En apparence, l'action est la même. Deux personnes se préparent pour la prière. Elles font les ablutions de la même manière, se rendent à la mosquée pour prier, sont côte à côte dans le rang de prière. Ils font les mêmes gestes et prononcent les mêmes paroles. Mais la récompense de l'un est multipliée par 10, par exemple, tandis que la récompense de l'autre est multipliée par 700 ou plus encore. Et parmi les choses qui font la différence entre ces deux, il y a la force de leur foi et de leur sincérité. L'un est sincère, mais l'autre a une foi plus forte et une sincérité plus complète. Et ceci, c'est une chose qui n'est pas apparente, mais elle n'échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'alim. Il sait parfaitement toutes choses, et il sait ce que renferment nos poitrines. Et tout cela nous encourage à redoubler d'efforts pour purifier nos cœurs de toutes mauvaises intentions, et de donner de l'importance à l'étude de la croyance, et plus particulièrement à l'étude du tawhid, car c'est en étudiant le tawhid que l'on pourra connaître les vices liés à l'intention desquels nous devons nous éloigner et nous écarter afin de purifier nos cœurs et augmenter en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et augmenter en termes de récompense. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une autre question liée à la sincérité. Et c'est une question qui échappe malheureusement à beaucoup d'entre nous. C'est le fait que le serviteur, il se doit d'être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il fait, mais il doit aussi être sincère dans ce qu'il délaisse. C'est-à-dire que tu dois être sincère dans ce que tu délaisses parmi les péchés et les mauvaises actions. Car le délaissement fait partie de nos actions par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit « Et entre dans les œuvres pieuses » qui diffère en termes de mérite en fonction de la sincérité. Le délaissement de ce que les âmes désirent parmi les plaisirs interdits. S'il les délaisse d'un cœur sincère et qu'il n'est pas poussé à les délaisser par autre chose que la sincérité. Généralement, comme vous le savez, les âmes ont un penchant pour les plaisirs interdits. Et le serviteur croyant sait avec certitude qu'il lui incombe de lutter contre son âme afin de délaisser et s'écarter de ses plaisirs interdits. Et s'il les délaisse et s'en écarte, en raison de sa connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit ses péchés et ses mauvaises actions, alors, s'il fait cela sincèrement pour Allah, il sera récompensé pour ce délaissement. Tandis que celui qui les délaisse et s'en écarte, pour une autre raison, comme celui qui les délaisse par incapacité car ses péchés ne lui sont pas accessibles. Ou alors, parce qu'il n'est pas attiré par ces choses, il ne les aime pas, ne les apprécie pas. Ou alors, parce qu'il a peur de se faire prendre ou de se faire voir en train de commettre ce péché, qu'il a peur pour son image et pour sa notoriété, ou autre intention semblable. Alors celui-ci, bien qu'il se préserve du péché car, effectivement, il n'a pas commis le péché, il se prive d'une récompense immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'a pas été poussé au délaissement des péchés par la sincérité. Il est donc important d'avoir conscience de cela, que le délaissement fait partie de nos actions. Cela fait partie des actions que l'on doit vouer sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie des actions desquelles on peut espérer une récompense immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, et le récit des gens de la grotte confirme cela. C'est-à-dire que le récit des gens de la grotte confirme que le délaissement fait partie des actions que l'on doit vouer sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et pour lesquelles on peut espérer être grandement récompensé dans l'au-delà. Et le récit des gens de la grotte est un récit rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. D'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Trois hommes appartenant à une des communautés qui vous ont précédé se mirent en route et se réfugièrent dans une grotte afin d'y passer la nuit. Un rocher tomba alors de la montagne et leur ferma la sortie de la grotte. Ils se dirent alors « Vous ne serez sauvés de ce rocher qu'en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala par vos œuvres pieuses, par vos bonnes actions. » Mais dit ici qu'il parle de bonnes actions d'œuvres. Et comme on va le voir, ils vont évoquer des choses qu'ils ont délaissées. Un homme parmi eux dit alors, « Oh Allah, j'avais deux parents âgés, et je ne faisais jamais boire personne avant eux, ni famille ni servant. Un jour, alors que j'avais emmené mes animaux paître dans un endroit éloigné, je ne suis rentré auprès d'eux qu'une fois qu'ils se sont endormis. J'ai donc trait pour eux leur portion de lait, et je les ai trouvés endormis. J'ai donc répugné de les réveiller, ou de servir à boire à un membre de ma famille ou un servant avant eux. Je suis donc resté ainsi, le récipient à la main, en attendant leur réveil, jusqu'au lever de l'aube, alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds, puis mes parents se réveillèrent enfin et burent leur lait. Ô Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour la recherche de ton visage, libère-nous de cette situation et de ce rocher. Le rocher se déplaça alors un peu, mais pas assez pour les laisser sortir. Le deuxième dit alors, ô Allah, j'avais une cousine qui était la personne que j'aimais le plus. Et dans une autre narration, je l'aimais de la manière la plus intense qu'un homme puisse aimer une femme. Je la désirais, mais elle se refusait toujours à moi, jusqu'à ce qu'elle se trouve dans la difficulté au cours d'une année de grande disette. Elle vint alors à moi, et je lui donnai 120 dinars, à condition qu'elle s'offre à moi et elle accepta. Une fois maître d'elle, et dans une autre narration, une fois assis entre ses jambes, elle dit « Crains Allah et ne romps le sceau que dans le cadre légitime du mariage. » Je l'ai alors laissée ainsi, alors qu'elle était celle que j'aimais le plus, et je lui ai laissé l'or que je lui avais donné. Ô Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour la recherche de ton visage, libère-nous de cette situation et de ce rocher. Le rocher se déplaça encore un peu, mais pas assez pour les laisser sortir. Le troisième dit alors, ô Allah, j'ai pris à mon service des employés, à qui j'ai donné leur salaire, sauf à l'un d'eux, qui partit sans prendre son salaire. Je lui fis alors fructifier, jusqu'à ce qu'il devienne une fortune abondante. Après un certain temps, il revint et me dit, ô serviteur d'Allah, donne-moi mon salaire. Je lui dis alors, tout ce que tu vois là comme chameau, bovin, ovin, esclave est ton salaire. Il me dit, ô serviteur d'Allah, ne te moque pas de moi. Je répondis, je ne me moque pas de toi. Il prit alors tous ses biens et repartit chez lui sans ne rien laisser. Ô Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour la recherche de ton visage, libère-nous de cette situation et de ce rocher. Le rocher s'écarta alors, ils sortirent ainsi, puis ils continuèrent leur route à pied. Et ce hadith, comme je l'ai mentionné, est rapporté par les deux imams, Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah ta'ala. On voit donc dans ce hadith que ces trois hommes ont chacun mentionné une de leurs actions qu'ils ont fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces actions sont en réalité des délaissements. Le premier a délaissé le fait d'abreuver ses enfants alors qu'ils avaient soif par bonté envers ses parents. Et tout le monde sait que un père va avoir de la compassion pour ses enfants. Mais pensant sincèrement qu'il était meilleur d'abreuver en premier ses parents, il a délaissé cela, espérant à travers cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, comme vous l'avez entendu, a délaissé cette femme qu'il désirait. Et il l'a délaissée au moment où il était le plus proche de ce qu'il recherchait. Et malgré qu'il éprouvait un amour intense pour cette femme et qu'il la désirait, il s'est détaché d'elle par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et sincèrement pour son Seigneur. Donc on voit qu'il a délaissé ce que son âme désirait comme plaisir interdit, recherchant sincèrement l'agrément de son Seigneur. Et le troisième a délaissé l'argent et les biens abondants, malgré l'attachement des âmes pour les richesses de ce bas monde. Bien qu'il avait la possibilité de ne pas en informer le propriétaire de ses biens et de les garder, mais il a délaissé ses biens et ses richesses sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et a été rétribué en bien par son Seigneur. Donc ce hadith, il nous démontre que le délaissement fait partie des actions. Que le serviteur doit être sincère dans ce qu'il délaisse. Que la récompense du délaissement des péchés est liée à la sincérité ou non du serviteur dans ce délaissement. Celui qui délaisse les péchés par crainte d'Allah, par espoir de ce qu'il y a auprès d'Allah, par espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci peut espérer une récompense immense dans l'au-delà. Tandis que celui qui est insouciant de cela, qui délaisse les péchés mais simplement par habitude ou parce qu'il ne les désire pas ou parce qu'il en est incapable, parce qu'il a peur qu'on le voit en train de faire ses péchés, qu'il a peur pour son image ou autre, celui-ci il se prive de récompense immense auprès de son Seigneur. Donc le musulman doit veiller à être sincère dans chacune de ses actions, et parmi ses actions, il y a le délaissement des péchés et des mauvaises actions. Et on voit également dans ce hadith un autre bénéfice qui n'est pas directement lié à notre sujet, mais qui est d'une grande importance, et c'est l'importance de se rappeler d'Allah lorsque ton âme t'appelle au péché, à la désobéissance. Rappelle-toi que ton Seigneur t'observe. Rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-raqib, qu'il observe ses serviteurs, qu'il est al-alim, qu'il sait parfaitement toutes choses, qu'il est al-shahid, qu'il est témoin de tes actions. Rappelle-toi de cela. Rappelle-toi qu'il est al-sami al-basir, celui qui entend tout et qui voit tout. Fais preuve de pudeur à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et écarte-toi de ce péché et de cette mauvaise action sincèrement pour ton Seigneur, et tu seras ainsi récompensé pour avoir délaissé ce péché que tu t'apprêtais à commettre et que ton âme désirait. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra la suite des causes permettant l'augmentation de la récompense de nos bonnes actions dans le cours de demain. Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.